Bonjour, je vais vous raconter l'histoire du merveilleux voyage de Mathéo. Mathéo est un petit garçon rigolo, enfin pas si petit que ça. Avec son papa, sa maman et ses deux frères, il a un rêve. Il rêve de voyage. Et justement, ce matin, c'est le bon départ. Et ce n'est pas si simple de partir.